À gauche, la prairie pleine de mélancolie. Par derrière, s'étend la rue mal pavée, bordée de maisons pauvres, pleines, comme toutes les rues misérables, d'enfants déguenillés, de femmes débraillées, de vieillards qui se traînent.